ici Lia. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour que l'on partage ensemble ces prochaines minutes bonheur. L'automne représente le passage des beaux jours d'été à la froideur de l'hiver. C'est une période de transition qui n'est pas toujours simple, avec ses changements émotionnels et ses petits maux du quotidien. Il est donc doublement important de prendre soin de toi. L'automne est à peine là et pourtant les jours se font déjà plus courts, la luminosité plus faible. Et si le stress de la rentrée s'apaise, la routine et la fatigue peuvent prendre le relais. Selon le site devenirzen.fr, en médecine traditionnelle chinoise, on considère que l'automne commence déjà aux alentours du 15 août pour se terminer vers le 22 octobre. La saison de l'automne est effectivement centrée sur l'équinoxe d'automne, le 21 septembre, moment particulier où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Il est loin le solstice d'été avec son temps de luminosité maximum. Depuis, la lumière change et on perd chaque jour quelques minutes de soleil. On finira d'ailleurs par se lever avant lui le matin. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est l'organe de l'été. On peut donc dire qu'en automne, le cœur n'y est plus. En effet, comment ne pas être nostalgique ? Pour certains, l'automne est difficile, voire même déprimant. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le poumon qui est l'empereur de l'automne et le métal qui est l'élément associé. La tristesse est une émotion métal qui perturbe le poumon. Cette saison est traditionnellement celle de la récolte des fruits, des céréales, du foin et des vendanges. L'écureuil constitue son stock de nourriture en prévision de l'hiver. Il en va de même pour nous en quelque sorte. Nous récoltons les fruits de nos actions et il est venu le temps de faire un point sur nos expériences. L'automne est la saison à laquelle il faut penser à rentrer à nouveau en soi pour se préparer à la rigueur de l'hiver. L'été est une saison yang de forte excitation avec une forte activité, alors que l'hiver est yin et tourné vers le repos et l'immobilité. L'automne est donc une saison intermédiaire, avec un yang finissant et un yin naissant, ce qui peut se manifester par des déséquilibres de notre organisme avec certains désagréments. L'élément métal suggère un retour à l'intériorisation, un repli sur soi, une remise en ordre, une adaptation ou une restructuration à opérer pour revenir à l'essentiel. L'automne réveille aussi en nous notre instinct de conservation. Il nous incite à ralentir, nous économiser. Il est fini le temps de l'extériorisation de l'énergie. Le métal nous incite donc à nous organiser pour préparer l'hiver et nous permettre de nous reposer, nous ressourcer, de profiter d'une vie moins active et cela en toute quiétude et sérénité. Il faut donc cultiver le lâcher-prise, la sérénité et éviter de voir le changement propre à l'automne comme une menace et un risque de déstabilisation permanent. En effet, cela risquerait de créer un déséquilibre énergétique du poumon et du gros intestin lié au métal qui pourrait être à l'origine de désagréments au niveau respiratoire ou du transit intestinal. Ces deux organes sont en lien avec le monde extérieur et leur déséquilibre, se manifestant souvent par un repli sur soi-même, une fuite du monde et des autres. En médecine traditionnelle chinoise, l'automne est la saison où il faut penser à se débarrasser du superflu pour ne garder que l'essentiel. C'est la période idéale pour réaliser une cure qui aide à épurer et drainer les impuretés du corps vers l'extérieur, par exemple. Pour terminer, précisons encore qu'en hiver, le rein refait le plein en énergie vitale. Il est notre batterie. Cette énergie sera utilisée tout au long de la nouvelle année à venir et elle conditionnera notre forme future jusqu'à l'hiver suivant. Cette batterie commence d'ailleurs à se recharger dès l'automne. Sachant que le métal, poumon et gros intestin nourrit l'eau, reins et vessies, il est donc important de prendre soin de soi dès l'automne et de prévenir toute faiblesse qui pourrait atteindre nos poumons et notre gros intestin. Le poumon est très sollicité en automne et il est également plus vulnérable et susceptible de créer un blocage en cas de déséquilibre. Malgré le changement de saison, il faut donc veiller à ce que l'énergie continue de circuler sans encombre et qu'elle recharge bien l'organisme. Quelques conseils pour l'automne. Commence à ralentir ton rythme. Lève le pied car le temps du repos approche. Il est fini le temps de l'énergie à profusion, il faut penser à t'économiser. N'hésite pas à augmenter progressivement ton temps de sommeil. En Chine, on considère qu'en automne, il faut se coucher plus tôt pour éviter le froid et le vent et se lever plus tôt pour respirer l'air frais et sain du matin. L'automne est la saison idéale pour se remettre aux exercices respiratoires qui stimulent et fortifient les poumons ou pour faire des balades au contact des arbres. Cuisine des légumes blancs, choux-fleurs, choux blancs, céleri, navets, ail, oignons, poireaux et notamment les légumes racines qui stimulent le poumon. Mange des fruits de saison ainsi que des fruits secs, véritables condensés d'énergie et blancs par la même occasion, noix, amandes, noisettes par exemple. Laisse-toi aller à une cuisine plus épicée. Le piquant est la saveur de l'automne. Augmente légèrement le sel de tes plats en prévision de la prochaine saison à venir, le salé étant la saveur de l'hiver. Les épices stimulent le poumon et le gros intestin et font également transpirer et respirer ta peau en quelque sorte. L'automne est la saison des cures dépuratives, bouleau, tisane, raisin, radis noir, qui soulageront tes reins et ton système immunitaire avant que le froid n'arrive. En automne, nous sommes particulièrement vulnérables au sentiment de tristesse qui épuise l'énergie du poumon. Il faut donc redoubler d'efforts durant cette période pour cultiver la joie, la spontanéité, la légèreté et l'optimisme, surtout ceux qui ont déjà des difficultés à lâcher prise et à accepter l'imprévu. Un déséquilibre du poumon ou du gros intestin peut se manifester sur ta peau ou tes cheveux. Prends soin de ta peau et hydrate-la particulièrement durant cette période. Avec une huile végétale par exemple, la sécheresse étant une caractéristique de l'automne. Prends le temps de penser à toi, de lâcher prise, de faire le point sur toi et ta situation. Chasse le superflu et le superficiel. L'automne est associé à l'élément métal et à l'honnêteté. Honnêteté avec soi-même et les autres. Comme la valeur que l'on peut accorder à un métal, l'énergie métal nous aide à reconnaître nos propres valeurs. Parfois, nous nous dévalorisons et parfois, nous nous surévaluons. Rappelle-toi que l'énergie métal équilibrée apporte optimisme, spontanéité, légèreté et confiance en soi. Un vide de l'énergie est marqué par un manque de volonté, de l'indécision, de l'angoisse, voire de la peur viscérale qui empêche toute réalisation de soi ou concrétisation de ses projets. Un excès, au contraire, incite à faire preuve d'autoritarisme, d'imprudence, d'aveuglement et à vouloir imposer ses idées. En quelques mots, comment faire pour se préparer à l'automne? S'autoriser les plaisirs, ne pas s'enfermer seul chez toi en attendant le retour des beaux jours, car l'automne est riche de ces petits plaisirs du quotidien qui font le sel de chaque saison pour peu que l'on se donne la peine d'y goûter. Effectivement, alors que l'on s'autorise volontiers à être plus léger en été, passer le cap de la rentrée, la tâche s'annonce tout de même moins aisée. Alors, coucouner sans culpabiliser. L'automne est la saison de l'intériorisation et des bilans, le temps du bien nommé cocooning, et nous pouvons nous y laisser aller sans culpabiliser. Dans le Tao, l'automne est la saison où l'on engrange les bienfaits de l'été et où l'on range, où l'on organise tout, y compris son chez-soi intérieur. Alors, prends le temps de regarder ta propre grange et de faire ton bilan. Cela te permettra de passer l'hiver en toute quiétude et de savoir profiter d'une vie moins active. Flatte tes papilles, l'automne est la saison des récoltes, celle où l'on goûte enfin les fruits arrivés à maturité. Vendanges et céréales, noix et châtaignes, sans oublier tous ces fruits de saison que l'on a si longtemps attendus. Figues, poires, mirabelles, il est encore temps de régaler nos papilles. Continue à bouger. L'idéal serait de privilégier toutes les activités qui te ramènent à la terre afin de ne pas trop mentaliser, de ne pas rester exclusivement dans la réflexion. Cela te permettra de rester en phase avec l'environnement qui t'entoure. Plus calme et moins centré sur soi que le jogging, la marche permet de conserver une certaine hygiène de vie tout en te laissant le temps de respirer et de profiter de la nature. Capte l'énergie de l'automne, les couleurs sublimes des arbres, les promenades magiques en forêt. Certes, il faut parfois se forcer à s'aventurer en extérieur quand le temps ne s'y prête pas, mais le spectacle et le bien-être seront à coup sûr au rendez-vous. Alors promène-toi dans les forêts aux couleurs magnifiques, sans les odeurs d'humus ou de champignons. Ferme les yeux et respire à plein nez cette fraîcheur humide, bien différente, mais tout aussi exaltante que la chaleur estivale. Cherche à te laisser affecter par ces sensations pour véritablement vivre la saison. Bien sûr, la nature est le milieu idéal pour sentir cette énergie saisonnière et s'en nourrir, mais tu peux faire la même chose si tu vis en milieu urbain en essayant d'identifier toutes les sensations qui se dégagent d'une ville à l'automne. Une occasion en or de découvrir ou de redécouvrir qu'il y a du bon dans chaque chose et dans chaque saison. Voilà pour ces quelques minutes bonheur passées avec toi sur le sujet de l'automne. Je t'embrasse bien fort et je te dis à mardi prochain.